Paris et les Parisiens en 1835 par Frances Trollope. Tome 1er. Préface. Depuis que l'homme a commencé à écrire et à lire, je dirais plus, depuis qu'il a commencé à parler, la vérité, l'immortelle vérité a été l'objet d'un culte ostensible de la part de tous ceux qui ont lu et de tous ceux qui ont écouté. Elle est incontestablement révérée avec sincérité par tout le genre humain, et pourtant, dans les détails de leur conduite journalière, la majorité des hommes souvent la prennent en haine et supportent la douleur physique, les contrariétés, les chagrins, avec plus de patience que sa respectable voix, du moment où elle ne répond point à leur propre opinion. Les préventions s'emparent généralement de l'esprit avec plus de force que ne peut en acquérir le raisonnement le plus clair et le plus évident par lequel on cherche à les détruire. Et quand il arrive que ces préventions s'unissent à un désir sincère d'avoir raison, on les prend pour des principes, et dans ce cas, les tentatives que l'on fait pour les ébranler sont non seulement regardées comme une folie, mais encore comme un crime. Fortement convaincu de ce que je viens de dire, il a fallu de ma part un certain courage moral pour publier ces volumes, car ils ne sont conformes à l'opinion de personne, et ce qu'il y a de pire, c'est qu'il s'y trouve bien des choses qui pourront être considérées comme en opposition même avec la mienne. Si, avant d'aller à Paris, j'avais écrit un livre pour défendre les opinions que j'avais sur l'état de la France, il aurait différé en bien des points de celui que je donne aujourd'hui au public. Mais en profitant des dernières occasions que j'ai eues de voir des personnes distinguées de toutes les classes, j'ai appris bien des choses que j'ignorais profondément, comme tant d'autres personnes les ignorent encore. J'ai trouvé le bien où je m'attendais à voir le mal, la force où je croyais rencontrer la faiblesse, et la prévoyante sagesse de prudents législateurs travaillant à la prospérité de leur pays, au lieu des indigestes théories d'un gouvernement révolutionnaire, ne montrant de l'activité que quand il s'agit de conduire en aveugle la populace trompée qui met en lui sa confiance. Le résultat en a été chez moi d'abord de l'incertitude, et puis un changement d'opinion. Non pas en ce qui concerne les lois immuables qui doivent régler la succession héréditaire ou le regret qu'il ait jamais été jugé nécessaire de violer ces lois, mais sur la manière la plus sage de gouverner la nation française telle qu'elle est maintenant située, afin de réparer les graves maux qui l'ont été causés par de précédentes convulsions et empêcher qu'elle ne soit exposée au danger de les voir se renouveler dans l'avenir. Il est impossible de douter que le gouvernement actuel de la France ne s'occupe avec constance, sagesse et courage de ses objets. Et les personnes qui prennent le plus à cœur la cause sacrée d'une autorité bien réglée chez toutes les nations de la terre devraient être les premières à rendre témoignage de cette vérité. London, décembre 1835.